happiness. Pasadena, where you at? Yeah, Inglewood. Inglewood always up to no good. Bonne fin de week-end sur Espace à 18h le dimanche, c'est Funky Mix. Bienvenue, 120 minutes de pur son funk sur la plus normande des radios. Funky Mix fait son show. Funky Mix. Funky Mix. Funky Mix. Funky Mix. Espace, la plus funky des radios, normal, c'est le show Funky Mix, à tout de suite. J'ai de quoi vraiment vous faire rugir de plaisir, on va passer un moment excellent ensemble. Les New Kids on the Block sont de retour, ce groupe de boys band dans les années 90. Et bien là, ils font un son très funk, ce sera dans quelques minutes, juste après Harry Ray et Sugar Hill Gang qu'on écoute ensemble. Ça mix sur Espace. Funky Mix, avec Manu. Manu on the mic. I am the king of the rapping thing, but love is really my game. And when it comes to getting the finest chicks, I put all the other rappers to shame. The ladies scream when I'm on the scene, they love my T-A-T-Z. And when the party's over, they stand in line to go home with the Master G. Ha, ha, ha. This is for the lover in you, the lover in you. I know she's in there somewhere. This is for the lover in you, for the lover in you. By what I said, there's one thing beyond a doubt. Inside every rapper, there's a lover who's trying to get out. So let's make a start, unlock your heart. This is the place to be. And as we're moving to the music grooving, you'll bring out the lover in me. Sing again. This is for the lover in you. Get on the Funky Mix beat. Funky Mix. like an old school track to get the party jumping just like that. I say what? It ain't nothing like an old school track, get the party jumping just like that. You're still my 80s, baby. You're still my 80s, girl. Bamboo earrings in your ear, girl. Stonewall strip jeans, big hair, girl. So shy, but you can't hide. You're an independent side. Ooh. I rock on the block, top down. Mixtape, salt and pepper, hot now. It's like you press rewind. It took me back inside. And I can't wait to get another taste of you. Feeling like I'm a teenager. With the payphone, you stop paging. So we can do those things that we used to do. Take me back to all that fun. Cause tonight we are still young. You're still my 80s, baby. Madonna was doing it like a virgin. Tape tops, ooh, that's hot. Boys with Kangos, denim two-tones. We gon' wear our leather skirts to the salt and pepper. Nutty kids on the black concert. You're still my 80s, baby. You're still my 80s, girl. Sophisticated lady. You're still my 80s, girl. So we can do those things that we used to do. Take me back to all that fun. Cause tonight we are still young. You're still my 80s, baby. 80s, baby. You're still my 80s, girl. You know you are. Sophisticated lady. Need a girl. You're still my 80s, girl. All I wanna do is go back. It ain't nothing like an old school track. Get the party jumping just like that. I say what? It ain't nothing like an old school track. Get the party jumping just like that. Espace, les années 90 ont été aussi marquées par les boys bands, et là je vous ai joué, c'est quand même énorme, de cette année, New Kids on the Block, ils reviennent avec 80's Baby, et franchement c'est un coup de cœur aux années funky, aux années R&B. On écoute dans un instant Suspicion, The Quick, Fantasy, tout ça, ça va être mixé, Donald Byrd, et là c'est Vogue, Dancing the Night Away, suivi de Cassie and Sunshine Band sur Espace. We'll be right back. Espace, bienvenue, je mixe pour vous Suspicion, The Quick Fantasy. Et là c'est Donald Byrd. De quoi vraiment avoir la tremblote tellement cette musique est bonne. Funky Mix, cet espace. Funky Mix sur Espace. We'll be right back. out to planes. The jungle law will raise its head. Sergeant Major's heavy heart. Quand les sons funk claquent comme ça, c'est forcément dans Funky Mix, Suspicion, Zulu, Fantasy, tout ça, ça a été mixé. Je remets ça très très vite hein, d'ailleurs. Les inédits sont là avec Limel, Brenda Kestar. Restez donc ici, franchement. War et Narada Michael Walden tout de suite sur Espace. I touch. Il est terrible, hein, ce son Espace avec War, ça s'appelle Sing a Happy Song. Je vous le conseille franchement à écouter sans aucune modération comme Funky Mix sur Espace avec Jermaine Jackson, Brenda Kestar, Mac and Brida Sutton. Là, c'est l'email total inédit funky, something so special sur Espace. Après la fermeture, dans une agence

This is Soul Disco Funk. Soul Disco Funk. Funky Mix. Funky Mix. Funky Mix. Funky Mix. Hold on to my body. Don't let passe. Je vous ai emmené en 86 avec Brenda Kestar. C'est bon, hein, ça. Je remets ça très vite, hein, les sons de 86. D'ailleurs, maintenant, on s'arrête en 84 avec Jermaine Jackson. C'est pour vous sur Espace. Am I here with you? passe. Nice Tracker, We Can Still Be Friends. Vous savez quand ce son est sorti. Je me revois en train de l'écouter dans ma cuisine. Oui, je mettais la petite cassette et je remettais sans arrêt ce son. Et puis maintenant, j'ai la chance de vous faire partager ces musiques funk non-stop. L'Immobilière Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le dimanche 21 octobre. Ce soir sur TF1, ce sont les vacances scolaires et la chaîne a décidé de te pourrir la soirée l'ami. Hein. Puisqu'ils diffusent « Moi moche et méchant 2 », c'est super drôle, mais comme ce sont les vacances, vos petits vont tenter une approche genre « S'il te plaît, maman chérie d'amour, que j'aime de tout mon cœur, et toi, papa, que j'aime de tout mon cœur aussi, je peux regarder la télé avec vous ?» France 2 Skyfall, une fois encore, James Bond va sauver le monde, 007 Spectre en seconde partie de soirée, là aussi ne vous inquiétez pas, il y aura toujours un festival de gonzesses en tout petit, mais alors tout petit bikini. France 3, les enquêtes de Vera sont de retour avec des inédits en première partie de soirée. Canal, Nice-Marseille, un match de Ligue 1, J+1 des 23h10, on débriefe tout le week-end foot. Arte pour le pire et le meilleur, une comédie dramatique avec Jack Nicholson et Helen Hunt. Bon là tu sais très bien que tu vas passer un bon moment. Hein. Nicholson va jouer le rôle d'un mec complètement barjo, c'est son fond de commerce, et ça fait flipper en même temps. Mais tu te poiles, c'est un peu le concept. M6 Zone Interdite nous propose une spéciale Saint-Barth. Alors j'aurais pu vanner genre Ophélie Meunier se paye des vacances aux frais de la chaîne. Alors peut-être, hein, mais c'est surtout pour faire un état des lieux un an après les ravages de l'ouragan Irma. 23h05, Bernard de la Villardière fait du nanar comme d'habitude. Enquête exclusive. Barra hôtesse, non. Course poursuite à travers l'autoroute, non. Cartel en tout genre, non plus. Bon, bah, il reste le cannabis. Gagné, Californie, la French Connection du cannabis. Le meilleur de la TNT, C8, l'excellente série Lucifer avec uniquement des inédits toute la soirée. Voilà, c'est terminé. On se retrouve demain à la même heure et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande. Groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. Dans Funky Mix sur Espace, Stone Celly Ben, Wall Silk, c'est maintenant 1982 pour Do It To The Music. Bienvenue. Yeah. On fait juste un petit breaking news avec l'info internationale et nationale sur Espace, la plus normande des radios, et le retour de Funky Mix dans un instant. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a chiffré à environ 200 millions d'euros les dégâts matériels des inondations meurtrières dans l'Aude il y a maintenant une semaine. Ces inondations ont causé la mort de 14 personnes, 70 ont été blessées, des centaines sont sinistrées. L'état de catastrophe naturelle a été reconnu dans 126 communes du département, ce qui doit permettre aux personnes touchées d'être indemnisées rapidement par les assureurs. Emmanuel Macron a prévu de se rendre demain dans le département pour rencontrer les familles de victimes, les maires des communes touchées ainsi que les forces de secours. Les ministres de l'Éducation et de l'Intérieur ont annoncé aujourd'hui la réunion dès la semaine prochaine d'un comité stratégique pour un plan d'action ambitieux contre les violences visant les enseignants après la diffusion d'une vidéo montrant un lycéen braquant une arme factice en direction de sa professeure. Le lycéen a été mis en examen pour violence aggravée. Hier soir, Emmanuel Macron avait demandé aux deux ministres de prendre toutes les mesures pour que ce type d'incident ne se reproduise pas. Dans toute la France, de nombreuses zones souffrent de la sécheresse. Le Doubs notamment est un cours d'eau asséché. Des tomates poussent même dans le lit de la rivière. En Lorraine, un étang s'est transformé en vaste étendue de terre. Après 4 mois de sécheresse, nos paysages se transforment. À certains endroits, la pluie n'est pas tombée depuis 3 mois et 61 départements sont contraints à des restrictions d'eau. Contrôle migratoire, conditions de travail des policiers, violence dans les quartiers. Christophe Castaner a dressé sa feuille de route de ministre de l'Intérieur dans un long entretien au journal du dimanche. Aujourd'hui, en reprenant les chantiers clés ouverts par Gérard Collomb. Sur la question migratoire, Christophe Castaner se dit inquiet de la situation à la frontière espagnole depuis quelques mois. Il va nommer un coordonnateur sécurité qui sera un haut fonctionnaire pour mieux organiser les contrôles et le dialogue avec les autorités espagnoles. Le ministre revendique une politique ferme contre l'immigration irrégulière. Et justement, en parlant d'immigration, après le dernier refoulement de migrants vers l'Italie conduit vendredi par la police française, Rome a annoncé un renforcement policier à la frontière avec la France pour stopper ces renvois considérés comme abusifs. Les autorités françaises ont proposé de leur côté de tenir dans les meilleurs délais une rencontre pour améliorer la coopération entre les services chargés de la surveillance de la frontière franco-italienne. Écoutez, Espace. La plus normande des radios. Funky Mix. Funky Mix. We love Funky mix. Funky mix.

Espace, Nice Tracker, We Can Still Be Friends. Vous savez quand ce son est sorti. Je me revois en train de l'écouter dans ma cuisine. Oui, je mettais la petite cassette et je remettais sans arrêt ce son. Et puis maintenant, j'ai la chance de vous faire partager ces musiques funk non-stop dans Funky Mix sur Espace. Stone Celly Ben, Wo Silk, c'est maintenant 1982 pour Do It To The Music. Bienvenue. So get down. When you're moving, when you're grooving, when you're working your body, all that shaking, you're not faking. So move your body right back to the ground. Love with the body. Ladies, a lady's choice. baby, get off your butt and jam. Baby, get off your butt and jam. Baby, get off your butt. Baby, get off your butt and jam. Baby, get off your butt and jam. Le son Funky Mix. Funky Mix. Snap, I've got the power, c'est sûr que c'est pas totalement funky, mais franchement très influencé par cette musique funk dans les années 90. Jay-Z y arrive pour les gros classiques, Billy Ocean et Booker T. We'll find it. Passe avec Booker T dans Stop My Love. J'ai les gros classiques qui arrivent, Billy Ocean, Jay-Z D, là tout de suite. Galen Up, allez suivez-moi, je vous emmène en 83, espace. Funky Mix. Dance floor. everybody's gonna have a ball. I'm gonna freak you here, gonna freak you there. I wanna take you out of this atmosphere. Well, I'm a jazzy D, I play lead guitar. But let me tell you people, I'm a superstar. Well, now lead guitar ain't my main thing. You see, I rock the mic, I can even sing. When the night is gone, that's okay. I rock to the beat all through the day. Well, I'm through for now, but I'll be back. My name is Jazzy D, and you know that. And you know that. And you know that. Everybody get on up. Get on up. Everybody get up. Get on up. Get on up. Everybody get up. Get on up. Everybody get up. Funky Mix, numéro 1 sur le fan, sur le fan. Funky Mix. This is Soul Disco Funk. Soul Disco Funk. Funky Mix. I'm on fire. Night has just begun. My only desire is to have myself some fun. But nobody, no one to call my own. Feel so lonely, I'm tired, tired of being.

Funky Mix. La première émission dance classique.

va se quitter, on se donne rendez-vous très bientôt. J'en bafouille. Je suis tellement ému de vous quitter. J'avoue, je n'ai pas envie. C'est Whitney Houston qui sonne le glas, quoi. On se donne rendez-vous très bientôt. Bien sûr, prenez soin de vous. C'était Manu. Allez, je vous embrasse. Funky Mix, l'émission numéro 1 sur le funk, sur Espace.